This is for Akhilesh Shanti. This started in 1962. You are doing social service for acute leprosy patient and handicapped people working here. First, you are making dyeing. Raw yarn is dyed at the dyer in Puducherry according to orders. The yarn can be woven in this natural stage. For the warp threads, the ladies are rolled to form big bobbins. For the warp, the threads are rolled into 20 meters ladies length of fabric roll. To stiffen the fabric, the yarn is warped by spraying starch. The dyed yarns along with natural ones are transferred to Akhilesh Shanti after sizing and warping and are stocked in the weaving section. A wooden clamp used to enable the men of the joint section to separate the yarn from each other. The warp thread, 2,800 threads are knotted one by the one to precedent fabric. It permits to distance the warp threads and extend the full length before rolling them on an axle. The web threads are rolled in big bobbins, then on small one to make shuttles. Crossing warp and web threads, weaving formed according to pattern, plain, stripes and checks. When woven, all the fabrics checked. Fabrics folded and rolled tight as the stock and handle it easily. The fabric stocked in air conditioner room, it will be sold by meter or used for madabs, sieving section and embroidery section. The sieving section produces madabs only from our fabric and our models. The embroidered pattern are traced on the fabric and embroidery is handmade. It can take from 1 hour to several days according to complexity of the pattern. 96% of Akhilesh Shanti production is shipped and sold to European committees. Some madabs may be sold in visitors in Navin showroom in Shakti Viga at Valandiyar. Little by little, the leper weavers at origin Akhilesh Shanti are joined by physically or socially handicapped. Today, 90 families live in their work in the Akhilesh Shanti. This is for Akhilesh Shanti. Le fil brut est teint sur la commande chez le teinturier à Pondichéry ou peut-être tissé tel quel. Pour les fils de chaîne, les écheveaux sont enroulés pour former de grosses bobines. Pour la chaîne, le fil sont enroulés pour former des écheveaux de 20 mètres de long. Longueur de rouleau du tissu. Pour enfiler le tissu, on redit le fil en pulvérisant de l'amidon. Les fils teints ou bruts sont alors stockés à l'atelier. Un peigne de bambou est utilisé pour séparer les fils les uns des autres. Les fils de chaîne 2800 sont noués un à un au fil du précédent tissu. Cette opération permet de démêler les fils des chaînes et d'étendre sur toutes les longueurs pour être ensuite enroulé sur un axe. Les fils de trame sont enroulés sur des grosses bobines puis sur des petites pour faire des navettes. En croisant les fils de chaîne avec les fils de drame, le tissage se forme selon les motifs préparés, unis en ligne ou au carreau. À la sortie des métiers, à tisse, tous les tissus sont contrôlés. Les tissus sont pliés, enroulés, bien serrés pour faciliter leur stock et les manutentions. Les tissus sont stockés dans une pièce climatisée pour être vendus au mètre ou utilisés à la fabrication d'objets cousus et brodés. L'atelier couture fabrique les objets réalisés uniquement avec nos tissus selon des modèles créés ici. Les dessins des broderies sont reproduits sur le tissu d'après les calques du modèle. Les broderies sont réalisées à la main. Cela peut prendre une heure à plusieurs jours selon les complexités du modèle. La production de l'atelier Santi est vendue au Comité européen. à 96% et expédié par bateau. Un échantillon d'articles est proposé à la vente aux visiteurs à Saktivar au magasin d'avant. Taper le tisserand lépreux à l'origine de l'atelier senti sont rejoints par des handicapés physiques ou sociaux. Aujourd'hui, 90 familles vivent dans leur travail de cet atelier.